avec le temps ça pourrait passer. La force de voir ton corps, bientôt elle prend partie de mon passé. Des fois j'ai des flashs d'elle dans mes souvenirs, elle fait des passages. Tout ça c'est dans ma tête, je suis désolé mais je contrôle pas ça. Et puis les jours défilent, je pense à cette fille, je crois qu'elle m'a marqué. Je suis perdu, je sais pas si c'est toi ou elle qui va me manquer. Pourtant à tes côtés, je suis tellement bien, bébé la bébé. C'est mon cœur qui joue et c'est moi qui perds, je sais plus où aller. Tu sais que j'aime ta façon d'être, et avec toi je suis honnête. Je sais pas faire semblant, donne-moi mon temps pour mieux te connaître. Elle a hanté ma tête, quand je te vois je me rappelle d'elle. Tous tes gestes les compare à elle, elle a hanté ma tête. Aujourd'hui je suis troublé, c'est toi ou elle que je dois aimer. C'est la question que je me pose, c'est toi ou elle que je dois aimer. Je croyais que je maîtrisais, mais je suis en train de tout gâcher. Est-ce que ça va s'arranger, ou tu vas me détester? Si tu veux la vérité, crois que je vais te la donner. Je me suis mis avec toi, c'était pour oublier. Mais désolé j'y arrive pas, non j'arrive pas. Non non j'y arrive pas, non j'arrive pas. Tu veux la vérité, ok je vais te la donner. Je me suis mis avec toi, c'était pour oublier. Mais désolé j'y arrive pas, non j'arrive pas. Non non j'y arrive pas. Non, j'arrive. J'ai pas envie de te mentir et te faire croire que tout va baigner. Là ça fait plusieurs jours que dans le doute je vais que baigner. Pourquoi je ressens tout ça, je sais même pas, je suis dans un trou noir. Un jour c'est toi que je veux voir, un jour c'est elle, je suis dans le brouillard. Pourtant t'as tout pour toi, et tu aurais pas avoir ma place. Je sens que ton cœur se casse, je suis pas fier de ça. L'oublier je fais des efforts, je sens perdre toute ma sœur. J'y pense trop, je peux plus m'y dors. Je reconnais j'ai mes torts. Aujourd'hui je suis troublé, c'est toi ou elle que je dois aimer. C'est la question que je me pose, c'est toi ou elle que je dois aimer. Je croyais que je maîtrisais, mais je suis en train de tout gâcher. Est-ce que ça va s'arranger, ou tu vas me détester? Si tu veux la vérité, ok je vais te la donner. Je me suis mis avec toi, c'était pour oublier. Mais désolé j'y arrive pas, non j'arrive pas. Tu veux la vérité, ok je vais te la donner. Je me suis mis avec toi, c'était pour oublier. Mais désolé j'y arrive pas, non j'arrive pas. Non non j'y arrive pas, non j'arrive pas. Non, problème, là j'suis du pain, là j'suis troublé. Je sais plus quoi faire, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire, je sais plus quoi faire. Là j'suis troublé, là j'suis du pain. Là je suis troublé, là je suis du pain. Je sais plus quoi faire, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire, je sais plus quoi faire. Non.